quand l'autre s'en va, tous les saxophones pleurent. Benvinguts una setmana més i benvingudes a Hola la Music, el programa de música en francès que us porta Rafael Corbí. Com sempre intentem que això sigui un espai de bona música. Que sempre intentem portar-vos. Avui començarà amb música independent, càrrec d'un artista que es diu Flox. Ens han fet a mans el seu àlbum de 2019 amb la companyia de Jumper, que es diu Like Brothers, com germans en anglès, i que ens porta temes com els que escoltarem en un moment. La música, doncs, que ens arriba i sona així a Hola la Music. À se faire tard devant mon verre de whisky, accoudé au bar, je ressasse ces nuits où je la croise par hasard. Elle est si belle et si jolie, tout le monde veut la voir. Quand elle passe et qu'elle sourit, les hommes se déclarent. Et moi, qui n'osais pas, faut que je bouge de là. Va-t-elle venir vers moi? Je crois plutôt qu'elle s'en va. Je suis amoureux de cette fille. Elle a pris mon cœur sans contrepartie. Et je suis love, love, love de cette fille. Elle m'a envoûté sans même me parler. C'est elle que j'ai choisie, je ne peux perdre espoir. Et même si mes amis ne veulent pas y croire, je m'engage près de la sortie, une déesse devant le miroir. Sur ses lèvres des mots qui fuient, je l'écoute, elle me parle. Et moi qui ne réponds, elle me dit tu as l'air sympa. C'est l'amour qui me tend les bras. J'en suis sûr, je l'aime déjà. Je suis amoureux de cette fille. Elle a pris mon cœur sans contrepartie. Et je suis love, love, love. parler. Je te le promets, ensemble, je je te le promets. Ensemble, je te le promets. Entrada diferent del que estem acostumats amb la companyia de Phlox, en aquest cas amb aquesta darrera cançó de Jumper, que ens aportaven des d'aquest àlbum que us comentàvem, Like Brothers, aquest EP del 2018. Phlox és un cantant anglo-francès que, segons la seva pàgina, el que fa és música dubi grimy. No me demaneu pas què significa això. Poca és una altra d'aquestes artistes independents que avui també volem escoltar amb el nostre programa. Ella ens conduirà la cançó de 2019, GC. Sans les succès, bloqué sur le banc des accusés. Je ferai tout pour la zik et pas le succès. Madame ma caisse et je crois bien qu'elle a kiffé. La vibe c'est là dans le cartel. Les yeux sont plissés, le cœur à découvert. Et la vie je la vois couleur pastel. Pastel, l'Azdeg. Quand je vois la haine, je suis lassé. J'ai passé l'âge, je prends les choses du bon côté. Mon poteau, tu me vois si mal quand je suis pas bien grosse marginale. Je suis pas dans le check, je vis ma vie comme un marginal. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. Je m'arrêterai pas tant que j'aurai pas mon mini moi. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. J'ai trop la dalle, faut trouver le pavon pour toucher le million. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. Je m'arrêterai pas tant que j'aurai pas mon mini moi. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. J'ai trop la dalle, faut trouver le pavon pour toucher le million. Wesh mon gravon, t'as vu ça passe quand on rappait au fond de la classe. On pensait pas qu'on ferait du buzz, maintenant je pense qu'à construire ma place. Construire ma place, j'suis sale ma garce. Tu me coco, j'suis dans le sarcasme. Toujours ici pour faire un casse pour mon fiston. J'peux faire du sale, c'est sale idée. J'veux faire ma place comme Holiday. J'taffe la prod à Money Taste. Le lendemain, j'vois mal idée. J'vois que c'est lourd, mon gars va taf. On veut satisfaire le paf. Tu prends tes t'as fait tes rapates, on prend les lofs, on prend les faf. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. J'm'arrêterai pas tant que j'aurai pas mon mini moi. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. J'ai trop la dalle, faut trouver le pavon pour toucher le million. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. J'm'arrêterai pas tant que j'aurai pas mon mini moi. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. J'ai trop la dalle, faut trouver le pavon pour toucher le million. Le million, pour l'avoir j'serai mignon. Le million, on veut les sommes sans division. Bah ouais mon poteau, on veut pas finir sur la touche. Donc on met tempête, j'm'écarte sur table et eux se couchent. On les fait trembler, bah ouais c'est l'Aztec. Avec mon petit gravat sur une plage, on cherche l'exil. Ça m'excite de penser faire ma vie sur une plage au Mexique. On fait ce qu'il est, problème trop malin pour se foirer. On rattrape pas la cible, la vie de rêve, faut pas la louper. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. J'm'arrêterai pas tant que j'aurai pas mon mini moi. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. J'ai trop la dalle, faut trouver le pavon pour toucher le million. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. J'm'arrêterai pas tant que j'aurai pas mon mini moi. Faut faire les sommes, le roro c'est le minimum. J'ai trop la dalle, faut trouver le pavon pour toucher le million. Així hem escoltat la música en companyia de Poca i les dues cançons, en Gisè del 2019, Minimoa del 2018, dues peces que ens arribaven aquí a casa nostra i que ens han acompanyat amb aquesta cançó. Ara que està en boca de moltíssima gent, a causa de l'aniversari, escoltem una cançó, una pregària per les morts d'Auschwitz, concretament del 2015, aquesta peça, que ens porta un cantant de música hebrea, Shalom Katz. Avui la volem recuperar també amb tots els nostres oients a Hola la Música. Es ni Auschwitz, Majdanek, Treblinka. Wo wir Schar machen aus Aschimov, la pregària per als morts d'Auschwitz des del nostre programa i perquè també creiem que és un sentiment que s'ha de portar a terme a tothom. No oblidar, aquesta és la màxima que nosaltres us volem acompanyar. I la veritat és que fa moltíssims anys, i això no s'ha de perdre de la memòria, el que va passar allà, perquè gent de moltíssimes nacionalitats i de moltes races hi va perdre la vida. Avui farem una aproximació a la música i a la biografia de Michel Delpech. Aquest cantant, nascut com a Jean-Michel Bertrand Delpech, Cruboy, el 26 de gener del 1946 i que va morir el 2016, va ser un excel·lent cantant i compositor. Va créixer en una família de classe treballadora, va publicar el seu primer àlbum a l'edat de 18 anys. L'any 66 es va casar amb la cantant Chantal Simon, van tenir dos fills. Després del seu divorci l'any 78 va patir una depressió molt important. El 1985 es va casar amb Geneviève Garnier-Fabré, amb la qual va tenir un fill l'any 1990. Anem a la música, que és el que ens interessa. El 1964, en Michel va conèixer amb el Roland Vicent, que es va convertir en el seu compositor, i poc després la companyia discogràfica Discs Vogue va llançar el seu primer single. Aquell any va ser el 1964 quan extreiem aquesta cançó, Anatole. Anatole, mon petit, à l'école tu t'ennuies, tu voudrais bien t'en aller gambader dans la forêt. Anatole va rêver sur les bancs de ton lycée, va rêver de liberté, referme tes cahiers. Anatole, tu souris, tu repenses à tes amis, les oiseaux et les lapins, tu les rejoindras demain. Car demain, ouais, c'est jeudi, tu sauteras de ton lit pour aller dès le matin retrouver tes vieux copains, les copains de la nature, dans un monde de verdure où tu pourras déchirer tous tes livres, tes cahiers. L'école et mon petit Anatole, pour toi tout sera fini, mais apprends que c'est la vie, oh, mais apprends que c'est la vie, oh, mais apprends que c'est la vie. Poques vegades s'ha escoltat aquesta cançó a la ràdio des de la seva edició. L'any 1965, Michel Delpech va participar amb la comèdia musical Copain Copain, que es va repetir durant 6 mesos i que li va fer popular la cançó que també escoltarem avui, Che Lorette. L'escoltem. À sa façon,

et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux, jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Doncs acabem aquest repàs que hem efectuat a la música d'en Michel amb el programa del dia d'avui, recordant que el març del 2015 es va publicar el seu llibre Vivre, en el qual ell va descriure la seva lluita contra el càncer de gola que tenia i les seves pors a no poder seguir cantant. Va morir uns dies abans de complir 70 anys en un hospital de Puigdôme a les afores de París a causa d'un carcinoma de la laringe. Cantant, cantautor, actor de cine, compositor de bandes sonores, escriptor, ho hem tingut tot una mica. El seu darrer senzill conegut l'escoltem des del 1985 amb aquesta cançó que posa punt i final amb aquest repàs que hem efectuat a 5 de les seves cançons, Michel Delpe. Thank you. Hola La Music amb Rafael Corbí. Je suis le vide, je suis le saut, je suis l'envol, je suis la rive. Et s'il le faut, je serai l'idole de ce qui m'arrive. Pour donner de la force à mes traits, les défauts comme les qualités, je vais les aimer, les accepter, les amadouer, les assumer, voilà. Je n'ai pas de plus beau profil, maintenant c'est de face ou de pile, mais c'est tout entier. Moi, je m'attendais pas à un moment qu'on me dise comment faire dans ce monde, car personne sait vraiment. Je m'attendais pas évidemment qu'on me dise comment faire en amour. Depuis que j'essaye d'en faire le tour, je cours à nos folies, nos rêves, nos chances. C'est l'heure de nos envies. Quel rêve, quelle danse sur nos peurs. Je suis l'erreur, j'en suis la somme, et c'est moi seule qui ai la solution. Je serai pas contre un petit peu d'aide pour la résolution, mais sans juger l'autre, hein, sinon on perd l'essentiel qu'on s'est dit qu'on cédait. Pour de bon, je m'attendais pas à un moment qu'on me dise comment faire dans ce monde, car personne sait vraiment. Je m'attendais pas évidemment qu'on me dise comment faire en amour. Depuis que j'essaye d'en faire le tour, je cours à nos folies, nos rêves, nos chances. C'est l'heure de nos envies. Et quelle règne, quelle danse sur nos peurs, à nos folies, nos rêves, nos chances. C'est l'heure de nos envies. Quel rêve, quelle danse sur nos peurs. Peur de s'éteindre, de se tordre et de s'atteindre. Ce désordre-là, c'est pas rien, c'est mon cœur tout entier, c'est le mien, prends-en soin. Peur de faire bien, comme il faut, comme ils font, sans défaut, sans raison. Pendant que j'entends du fond gronder nos rêves, nos chances, c'est l'heure de nos envies. Et qu'elle règne, et qu'elle danse sur nos peurs, à nos folies. Nos rêves, nos chances, c'est l'heure. Aquesta artista, nascuda el 31 de juliol de 1996, que joveneta, oi, a Champigny-sur-Marne, a la Vall de Mar, és una cantant, jove cantant, que avui ens acompanya també amb les seves cançons. Anna Folli des del 2019, però escoltarem una cançó des del 2018 i el seu més gran èxit, també molt coneguda, el Pour aller où, des del 2016. Es diu Lea Pazzi. Mesure du temps, on attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tournants. On se laisse porter par le vent, on sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus tard. Sans boussole, en dérapage, en survol, on prend les virages.

escoltat la seva música i així ens ha acompanyat fins al final del nostre programa Lea Bach, i m'ha encantat la seva música. Ja l'havíem escoltat una vegada amb una cançó, però avui hem aprofundit més, sobretot també amb aquests senzills publicats entre el 2019 i 2018, i després les cançons d'aquest àlbum que va publicar, el seu últim, únic àlbum que va publicar 2016 de manera seva més autobiogràfica, i després també el 2017, degut a l'èxit, doncs es va extreure aquest àlbum ja d'una manera més, diríem, professional. No sé si és la paraula exacta. Doncs en res, salutacions ben cordials a càrrec de Rafel Corbí. Aquesta pirata adolescent és l'últim tema d'ella que escoltem en la música que ens porta una extraordinària artista aquí amb el nostre programa. Salutacions de Rafel Corbí, ha estat tot a Olala Música. Fins la propera setmana. A reveure! Je l'ai mitraille, un peu saoul sans matricule. J'écume la nuit noire, je consomme du bonheur que je perds sans savoir. Je t'oublie quand je me déhanche, je souris sauf le dimanche. J'ai le cœur balançoire, je passe des rêves aux cauchemars. Inscris mon nom aux absents.